Tous les militaires et civils coréens condamnent catégoriquement la récente résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée par les États-Unis et les forces hostiles contre la Corée. Kim Yong-yeon, officier de l'armée populaire de Corée, a dit que cette résolution de sanctions sans précédent adoptée en usurpant le Conseil de sécurité de l'ONU révèle de nouveau l'ambition sournoise des États-Unis de supprimer l'idéologie, le régime et le peuple coréen. Ce disant, il affirmait que si les États-Unis agissent à la légère, en s'attachant toujours à la tentative insensée d'étouffer la Corée socialiste, la puissante armée révolutionnaire Paektusan en profitera pour gagner la victoire finale dans la confrontation avec eux durant des années et des siècles. En exprimant son indignation de l'adoption d'une nouvelle résolution de sanctions illégales du Conseil de sécurité de l'ONU, marionnette des États-Unis, Han Chung-soo, vice-ministre de l'industrie légère, a souligné que le peuple coréen qui avance invariablement pour la victoire finale en portant haut la nouvelle ligne du Parti Travail de Corée sur le développement parallèle de l'économie et des forces nucléaires suivra sans aucune déviation la voie de renforcement des armements nucléaires. Cho Ju-yong, directeur du complexe thermoélectrique de Pyongyang, et Oh Jin-hyuk, étudiant à l'université Kim Il-sung, ont accusé la résolution de sanctions visant à empêcher complètement le développement économique et l'amélioration de la vie du peuple de la Corée populaire de violations sévères de la souveraineté. Ensuite, ils ont averti que si les forces hostiles s'adonnent à la sanction à l'aide d'une institution internationale qui n'est qu'une marionnette, elles ne connaîtront que le déshonneur et la ruine.